question. Pourquoi ma petite fille refuse de me regarder dans les yeux lorsque je veux lui expliquer, par exemple, ce qu'elle a fait n'est pas correct? À ce moment-là, elle fait une colère et elle n'a pas 2 ans encore. 2 ans, c'est un mauvais âge. Essayez de les faire sauter ça. Hein? Passez-tu de 3 ans quand elle va finir 1 an? C'est tout à fait évident et logique qu'un enfant ou qu'un adulte refuse de regarder dans les yeux parce que les yeux sont le canal direct par lequel on peut pénétrer dans l'âme. Dans l'âme, il y a un truc bizarre qui se promène là-dedans qui s'appelle l'ego. Puis l'ego, c'est ce qui manipule l'humain. L'ego manipulé, mais c'est l'ego qui fait finalement qu'on a des colères, des crises, etc. Alors, ce qui arrive simplement, c'est que vous, et c'est ce qui arrivait dans le passé quand les éducateurs et les éducatrices exigeaient, par exemple, que l'enfant, ah, « Regarde-moi dans les yeux quand je te parle », ça veut dire « Regarde-moi », puis après ça, ben là, l'énergie complète de l'agression ou de l'énergie éducative de la personne pénètre directement à travers les yeux, puis ça va directement taper l'ego. Alors, c'est absolument évident qu'un enfant qui a un ego le moindrement puissant va avoir compris rapidement que l'agression totale vient surtout des yeux plutôt que des oreilles, ben nécessairement, elle va fuir. Et si on exige que, ah ben là, elle va se débattre, elle va se défendre dans le langage de l'ego. Donc, elle a raison, du point de vue humain, mais dans le langage de l'ego, c'est évident qu'elle va se défendre. Alors, les yeux, c'est un canal qui est en permanence ouvert entre l'ego, l'âme et le monde extérieur. Alors, c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait pour? Ben évidemment, si l'enfant n'a pas 2 ans et fait des colères, probablement un enfant teflon. Fait que les méthodes traditionnelles ne colleront pas sur elle. Et puis là, ben là, il y a un peu quelque chose à faire. Là, j'ai écrit des livres là-dessus. On peut toujours en consulter un. Chaque fois que je suggère à quelqu'un de consulter les livres, ils me disent toujours, ah oui, mais j'ai déjà tous les 4. Puis, alors je leur dis, relisez-les. Je vais sauter une ligne. C'est évident qu'un enfant de cet âge-là, par exemple, qui fait des choses, donc on vient de voir que du point de vue de l'ego, c'est sûr qu'il va vous fuir. Et puis, un enfant teflon, du point de vue égoïque, agit souvent comme un cheval. C'est-à-dire qu'il veut vérifier quel genre de cavalier qui est en avant. Or, un enfant teflon ne peut pas respecter un adulte qui n'est pas respectable. Et un adulte n'est pas respectable si l'adulte n'est pas capable de supporter sa propre parole. Un enfant de teflon, c'est nécessairement un enfant nouveau. Sauf qu'il peut, à l'adolescence, devenir un être ancien. Habituellement, un enfant nouveau devient une personne transitive à l'adolescence. Il peut descendre dans des méandres relativement bas, parce qu'il n'y a pas eu un cadre structuré au niveau d'éducation. Hein? On a une éducation traditionnelle, mais on n'a pas une éducation qui privilégie réellement l'humain. Et puis, par la suite, l'enfant, normalement, revient. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si c'est un enfant nouveau, donc en partant, il a accès à de l'intelligence, il a accès à de l'instantanéité, il a accès à de la spontanéité. Alors, cette jeune fille-là, même si elle n'a pas 2 ans, ça n'a rien à voir avec l'âge, l'intelligence n'a pas d'âge. Disons qu'elle en a un âge, si on veut, un peu plus que 4,6 milliards d'années. Alors, le corps physique n'a rien à voir avec ça. Alors, ce qui va arriver, c'est que la jeune fille va décoder du point de vue de l'ego, c'est-à-dire qu'elle a un contact un peu avec son esprit. Alors, l'intelligence amène de l'information, et c'est l'ego qui récupère l'information. Parce que l'ego n'a pas encore créé de corps mental. Alors, ça, elle va faire ça d'ici à la fin de l'adolescence. Parce que le corps mental n'a pas encore réussi à dégager l'ajusteur de pensée pour que l'ajusteur de pensée finisse par être totalement libéré du joug de l'ego. Donc, l'enfant n'a pas de conscience, mais elle est en contact. S'il est en contact, ça veut dire que lorsqu'il regarde la mère, par exemple, la mère qui veut dire « Hey, écoute, tu vas faire ceci », égoïquement, l'enfant peut informer que la mère, présentement, veut se défouler. La mère va dire, oui, mais un instant, c'est peut-être 1% mon défoulement. Exact. Mais l'enfant le sait. Après ça, la mère, elle vient parler à l'enfant. L'enfant va voir immédiatement qu'il y a un égo qui parle. Bien, s'il y a un égo qui parle, on va y parler à cet égo-là. L'enfant a des informations de très, très grande nature psychologique qui vont faire en sorte que l'enfant va avoir une manipulation égoïque astrale qui va dégager de la puissance. Que les enfants teflon ont, et ça va dégager des paroles particulières. C'est pas long qu'un enfant teflon manipule énormément. Des grands manipulateurs, pourquoi? Parce que c'est des connaisseurs de l'ego des autres. C'est pas long que l'enfant teflon a les mots qu'il faut pour faire souffrir ceux qui vont l'aimer. C'est pas long, ce genre de choses-là. Par contre, si l'individu se tient debout, si l'individu est capable de se respecter, puis là, ce que je vous dis là, c'est pas un discours pédagogique, c'est un discours sur l'intelligence. On profite de l'occasion en parlant de l'enfant. Si l'adulte est capable d'être son seul maître, si l'adulte, quand l'adulte dit non, ça va être non, puis quand l'adulte est intelligent, puis quand l'adulte est capable de voir que l'enfant, à travers son discours, dit des choses aux parents, puis l'enfant a raison là-dedans, le parent va dire, t'as raison ça, ça, ça, t'as raison, c'est pas de ça que je te parle, puis ça va être mon ego, mais toi aussi t'es un ego. Faut que la personne soit capable, non pas d'entrer dans des guerres d'ego, mais faut que la personne soit capable de se maintenir elle-même. Ça veut dire quoi? N'importe quel être humain, qui est son seul maître, ben, est respecté dans le sens craint par l'astral. L'astral d'un enfant d'un an et demi va aussi respecter le parent qui est son seul maître. L'astral de n'importe qui habitant n'importe quel corps, dans n'importe quelle ethnie, ou l'astral des personnalités qui sont décédées, l'astral du monde de la mort, va respecter l'individu qui est son seul maître. Alors, c'est la même chose pour le parent. Le parent peut se servir facilement de la réaction de son enfant, du bonheur de son enfant, comme baromètre de l'évolution. C'est pas de votre faute si l'enfant est malheureux, c'est pas de votre faute si l'enfant est colérique. Par contre, quand vous allez être suffisamment centré sur vous, l'enfant ne pourra plus être colérique. Pas parce que vous allez crier après. L'enfant ne le fera plus. Vous ne pourrez plus, mais l'enfant sera même plus malheureux. C'est plus nécessaire. L'astral ne pourra pas la charrier là-dedans parce que ça ne vous touche plus. Puis l'enfant va finalement vous copier assez rapidement. Si vous êtes centré dans votre plénitude, l'enfant va vous copier. Si vous êtes décentré, l'enfant va vous contredire sans arrêt. L'enfant va profiter de vous comme terrain pour développer son intelligence. Il va développer son ego en même temps, là. Oui. Pourquoi j'ai encore de la difficulté à m'identifier? Pour la simple raison que vous êtes peut-être trop intelligent. La personne est trop intelligente pour se maintenir. Quand je parle d'intelligent, je ne parle pas d'intellectuel. Quand je parle d'intelligent, c'est quelqu'un qui est suffisamment en contact avec l'humain. Moi, je ne suis pas identifié non plus. Je m'identifie. Sur quoi vous voulez vous baser pour vous identifier? Souvent, les égos ont besoin d'être quelqu'un. On en a parlé souvent en conférence. Souvent, les égos ont besoin d'être quelqu'un. Mais sur quoi vous voulez vous baser pour vous identifier? La couleur de vos yeux, sur votre grandeur, sur votre poids, sur votre svelte, sur votre vitesse de course? Sur quoi tu te bases pour t'identifier? Ben, de façon traditionnelle, on s'identifie sur les autres. C'est-à-dire qu'on se considère comme étant... plus haut, plus bas, plus beau, plus... Ah, c'est une façon, je connais quelqu'un dernièrement qui, justement, il se tient avec du monde, ils sont faibles. Lui, il est fort. C'est ça. C'est comme ça qu'on s'identifie. Il se manque un œil, c'est un borgne. Allez, c'est un aveugle. Vous êtes le roi. C'est pas nous à nous autres. C'est un handicapé. C'est facile. Mais toi, tu te bases sur quoi? Identifier. J'en ai plus vraiment de baromètre d'identification parce que, c'est comme tu disais tantôt, c'est... Pour moi, c'est porter un jugement à s'identifier. Déjà, se limiter dans quelque chose, on se limite à... Moi, est-ce que je suis un grand conférencier? 5 pieds 7, 3 corps. Est-ce que je suis un avatar? Je suis raison. C'est que j'ai un avatar. Est-ce que je suis... Ça n'a rien à voir. Dernièrement, je me suis acheté un jeu de croquettes. Ce qu'on appelle s'identifier, là, je te coupe. Ouais, ce qu'on appelle s'identifier dans le sens de cette question-là, me semble, c'est... en réalité, c'est d'arrêter de s'identifier. C'est ça, on arrête de s'identifier quand on s'identifie. Tu peux acheter un jeu de croquettes. Tu as de métal cheap, puis tu prends dans ton gazon, tu fais des tours partout, puis tu prends un marteau, puis tu t'approches une petite balle, tu essaies de l'envoyer dans le du gazon, tu vois, tu l'astral gazonneux tape dur. Ça met plus ta balle à côté, puis c'est pas assez fort, puis quand un petit peu plus fort, c'est bien trop fort, parce que le tube du monde. Puis c'est le fun. À quoi je m'identifie? Un gars qui prend un marteau qui tape une balle de bois. C'est la planète Terre. Une grosse boule qui tourne comme ça, là. 35 fois plus vite qu'une balle de fusil, puis qui se dirige dans la galaxie quelque part. Puis moi, j'essaie de taper ma petite boule dans le trou. Dans petite, hein? Dans le lieu d'envers. À quoi on s'identifie? Identifiez-vous pas, ça sert à rien, c'est une perte de temps. Si vous voulez vous identifier, si vous voulez que ça serve à quelque chose, commencez par cesser d'évoluer. Bougez plus. Puis après ça, reconnaissez-vous. Parce que si vous continuez à changer, à vous améliorer, à évoluer, à vous conscientiser, vous allez vous identifier. Ça y est, je suis rendu, ça y est, c'est plus ça. Il ne faut pas à peine s'identifier. Êtes-vous canadien? Êtes-vous canadienne? Pour le temps. Québécois, québécoise, à part un ici, là. Pour le temps que ça dure. Mais c'est ça. Pour le temps que ça dure. Êtes-vous quoi? Qui? L'identification sert absolument à rien. Contentez-vous d'être ce que vous êtes. Pas nécessaire de savoir ce qu'on est. Un estomac qui fonctionne bien, c'est un estomac qui n'a pas besoin de savoir qu'il est un estomac. Quand tu commences à dire, hey, j'étais un estomac, c'est moi qui m'allais, qui, wow, génial! C'est de la bouffe pendant ce temps-là, là, puis il s'en occupe pas, lui, là, il fait de la philosophie. Mais l'humain, c'est la même chose. L'humain, il a comme fonction d'atterrir de l'intelligence, de l'instantanéité. Chaque fois qu'il s'arrête pour dire, hop, oh, minute, coupons tout. Qui suis-je? Qu'est-ce que j'ai bien fait atterrir, moi, là? Ah, j'ai fait des sculptures, je suis un sculpteur. J'ai chanté, je suis un chanteur. Ça s'est pas vendu. Je suis pas un chanteur. Voilà qui je suis. Là, maintenant, continuez. Ça vous avance à quoi? À 18 ans, moi, dans un autobus, j'ai essayé de m'identifier. Au chauffeur ou au passager? Non, tout seul dans ma taille, j'ai essayé de m'identifier. D'ailleurs, c'est la journée où j'ai fait le plus d'autobus. Parce que je n'étais pas assez tout droit à l'arrêt où il fallait que je descende. J'allais au cégep de Saint-Laurent, puis je partais de Montréal-Nord, je me suis ramassé. Là, on est revenu de bord, puis le temps, je m'identifie, je me suis ramassé au métro Henri Bourassa, c'est plus ça non plus. En tout cas, tu sais, je me suis identifié. J'étais une personne perdue dans l'autobus. Quand j'ai compris, j'ai descendu à bonne place, j'ai pris le bon autobus, puis je me suis ramassé au cégep. Puis là, je ne m'identifiais plus, puisque je suis en retard. Que je courais. C'est d'ailleurs là, j'avais traversé la grande salle, j'étais essoufflé, j'avais traversé la grande salle du cégep. Puis j'ai une ligne traversée, puis j'étais drogué, rendu de bord. Mais ça soit s'identifier, là, faites pas ça, oubliez ça, rejetez ça complètement, ça sert à rien de vous identifier. L'ego a besoin de s'identifier, je comprends que l'humain a besoin de s'identifier. Tout ce que je peux vous dire, c'est que vous allez devoir vous identifier souvent. Astralement, la personne a le besoin égoïquement d'être quelqu'un, d'être quelque chose, parce qu'elle a l'impression que sa valeur est uniquement déterminée par ce qu'elle est du point de vue de sa mémoire. Mais moi, je suis rien, moi, j'ai rien réussi dans ma vie. Hein? C'est ça, je suis rien. Ça n'a rien à voir à ce que tu es. C'est pas au niveau de la mémoire. Mais les égos ont l'impression de. As-tu des diplômes? Non. Parfait. As-tu des diplômes? Oui. Parfait. Qu'est-ce que c'est? Bon, lui, il a du papier pour écrire, puis lui, il ne l'a pas. On y en fournira. Mais c'est quoi le rien? J'ai dit, j'en ai plein de diplômes, moi. Puis ce que je travaille dans ce quoi je travaille, je n'ai pas aucun diplôme. Mais j'en ai plein de diplômes. Bon. Puis, un classeur. Maintenant, c'est un classeur vide, évidemment. Je comprends, c'est un classeur complet, mais il n'est pas plein. S'identifier, ça ne sert absolument à rien. C'est une perte de temps, ça ne sert à rien. Je suis un chevalier, je suis un moine Shaolin, je suis un... Enchanté. Moi, j'ai un de mes amis qui c'est un chanteur, c'est un génie, c'est un chanteur. Il ne chantera peut-être jamais de sa vie, mais c'est un chanteur. Parce qu'il a chanté dans le passé. Puis là, chaque fois que je le rencontre, il continue à chanter. Il chante la pomme, puis il me dit que bon. Qu'êtes-vous? Répondez à votre question, vous allez toujours répondre en fonction des choses mémorielles de votre passé. Mais vous n'êtes pas de la mémoire, puis vous n'êtes pas un monde mort, puis vous n'êtes pas du passé. C'est faux. Donc, s'identifier. Je suis un être cognitif. Très intéressant. Félicitations, enchanté. Quand la lumière passe au vert, passe tout de suite ton char? Oui, bon. C'est bon. Tu peux être honnête cognitif. Ça ne me dérange pas. Mais si tu restes sur le vert, puis tu m'empêches de passer, ça me dérange bien. C'est pas psychologique, mais évidemment. Alors, s'identifier, oui, ça, s'identifier, c'est tellement, tellement facile. Moi, quand j'ai essayé de vouloir m'identifier, j'ai commencé à descendre au bon arrêt d'autobus. J'ai commencé à être synchronisé avec les mécanismes de la vie. J'ai commencé à arriver subitement au bon moment, au bon temps. J'ai commencé à être un héros. J'ai commencé à être au bon endroit, au bon moment. C'est son héros. J'ai commencé à être un héros. Puis, il y a un héros dans le sens aussi du Moyen-Âge. Je me demande, c'est le grand, qui criait les nouvelles. Là, bon, un héros. Identifiez-vous plus à rien. Tout ce que vous allez dire n'est pas à la hauteur de ce que vous êtes. Vous perdez réellement votre temps. Oh, mais oui, mais on a besoin pour se remonter le moral. Ben oui, mais le moral, c'est même pas vous autres, le moral. Vous travaillez pour leur monter le moral, la preuve que c'est pas vous autres. Ce serait vous autres, vous ne pourriez pas travailler pour le remonter. Oui, mais mon moral a besoin d'être remonté. Oui, je comprends ça. Et si on comprend la mécanique, c'est mon moral. Hey, t'es bon, t'es fait. Bon, il va remonter le moral. Ben, regarde le diplôme, là, tu l'as gagné, tu l'as eu. Là, l'ego vient dire, ouais, mais t'as jamais eu de job avec. Là, soyez intelligent. C'est le temps de mentaliser avec de l'intelligence. Non, mais t'as peut-être pas eu de travail avec ton diplôme, mais t'étais capable d'apprendre, d'aller chercher un diplôme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si t'es capable de faire ça, t'es capable de recommencer n'importe quand puis de faire d'autres choses. Mais ben, bénial. Ah, mais là, je peux être diplômé en technique. Non, on n'a pas besoin de ça. T'sais, vous êtes à rien. Vous êtes bien plus que ça. Vous n'arriverez jamais à vous identifier. Parce que l'humain, dans sa psychologie vivant de médiocrisme, n'a vraiment pas l'idée de l'envergure de ce qu'il est. Vous n'avez aucune idée de ce que vous êtes. Alors, vraiment pas. C'est pour ça que certaines personnes détruisent leur corps en mangeant tout, en mangeant mal. C'est pour ça que des personnes parlent bizarrement. C'est pour ça qu'on altère notre vie. C'est pour ça qu'on perd bien du temps à chialer parce qu'il y a des meringues dans la maison. Ben non, on perd bien du temps. On n'a aucune idée de la valeur de ce qu'on a. De ce qu'on est. S'identifier, vous réussirez jamais à vous identifier suffisamment. Jamais. Vous allez prendre énormément de temps. Vous êtes réellement suffisamment correct. Puis l'individu qui s'identifie plus, qui ne recherche plus l'identification, est encore un cran de plus en avance sur les autres. Tout le monde a le même potentiel, mais il y en a qui vont s'en servir plus. Vivez, comprenez des choses, apprenez. Servez-vous de votre intuition, de votre intelligence supramentale, de votre instantanéité. Puis l'identification. Je suis un extraterrestre, moi, ou un terrestre extra? Qu'est-ce que je suis? Un mélange de deux. Bon, ben là, présentement, je suis d'une chaise. Ça me sert à quoi de savoir que je suis un extraterrestre ou la réincarnation du fin finot du fond du coin là-bas dans l'histoire? Absolument rien. Daniel Kim. Encore là, ça, c'est une identification. Non, ça, c'est pour faire que pour les gens pensent que on ne dit pas plus. Tu sais, quelqu'un me demande qui êtes-vous? Ah, oh, c'est une mauvaise bonne question. Je suis Daniel Kim. Ah, oh, c'est vous le conférencier! Ah oui! Passe à l'autre. Oui. Quelle attitude devons-nous prendre face à la connaissance d'un enfant maltraité? Maltraitez-le à votre tour. Et quand il va être assez écœuré, vous allez voir. Il va s'en sortir tout seul. C'est logique. Ça mène à rien, à la race arienne. C'est ça. Je ne peux pas vous dire, parce que là, c'est un conseil plutôt en fonction d'une action. L'attitude que vous devriez avoir, vous l'avez déjà, vous posez la question, c'est la bonne attitude. L'humain ne doit pas souffrir de voir les choses. L'humain doit être sensible aux choses qu'il voit. Grosse nuance. Moi, je verrais un enfant qui est maltraité. Je ne sais pas ce que je ferais là, parce que je n'en vois pas d'enfants maltraités. Est-ce qu'il y en a un ici qui veut? Les jeunes ici, là, pour en maltraiter un, là, je verrais ce que je vais faire. Non. Juste faire un test. Tu es un enfant qui maltraité un parent? Ça, tu risques d'avoir plus de résultats. Oui, il va plus de volontaires. J'aurais la même attitude que vous. Vous l'avez, la bonne attitude, une attitude d'esthétisme. Qu'est-ce qui vous dérange dans le fait qu'un enfant est maltraité? C'est que l'esthétisme d'un cadre est bafoué. C'est juste ça. C'est ça qui dérange. Énergétiquement, on brise de l'harmonie. On brise de la beauté. Pas l'enfant, je parle de l'événement. C'est inesthétique. C'est ça qui nous dérange. Quand on est mémoriel, on ne comprend pas que c'est parce que c'est inesthétique. L'esthétisme, c'est l'intelligence exprimée dans le contexte planétaire, dans un contexte terrestre limité. Quand on voit un enfant maltraité, on verrait un adulte maltraité, on verrait un cheval maltraité, on verrait un écureuil maltraité, on verrait même, à un moment donné, quand on évolue un peu plus, là, on verrait une automobile maltraitée, on verrait une maison maltraitée, une lumière maltraitée. Vous sortez de la chambre de bain, vous n'avez pas éteint la lumière. C'est pas correct. Parce que vous n'êtes pas dans l'intelligence. Et ça, c'est ça qui fait que dans le sentiment, on trouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, vous avez la bonne attitude. Elle peut être émotive encore un peu, bon, c'est une chose qui est humaine, c'est pas divin encore, mais vous avez déjà la bonne attitude. La question, ce serait, que dois-je faire? faites donc ce qui vous chatouille. Probablement, vous allez réussir à faire du ski muscu. Faites-en pas trop, faites-en pas trop peu. Faites donc ce qui vous chatouille. Vous savez, vous confirmerez pas. Vous le savez. Et vous avez déjà la bonne attitude. L'humain qui se conscientise, celui qui reste tranché dans le plan du mental, puis un enfant qui a été maltraité, c'est son karma. C'est vrai. J'ai rien à faire. S'il a été aidé, j'ai un autre qui va mieux aider. C'est vrai. Sauf que celui qui va bénéficier des événements au niveau d'intelligence, c'est celui qui va peut-être mieux aider. C'est pas celui qui mentalise sans arrêt. Tout à l'heure, je disais, le mentaliseur, la mentalisatrice auront toujours raison. Mais ont souvent très tort. Ils auront toujours raison au niveau du discours. Alors, qu'est-ce qu'on fait devant un enfant qui est maltraité? Vous savez ce qu'il faut faire. Vous le dénoncez, vous en parlez, vous devenez complice avec, vous vous mêlez de l'affaire, vous touchez à rien, vous le laissez aller, vous glissez, vous ouvrez une porte au cas. Il y a plein de stratégies à faire. Chose certaine, c'est que si vous posez la question, c'est que votre esthétisme, il est bafoué. Puis une personne qui est capable d'être sensible à une mécanique comme ça est nécessairement un être qui est non seulement évolué, mais qui est conscientisé. Bon, c'est évident qu'il y a encore des mécaniques au niveau des manipulations astrales. Il faut comprendre que même si on devient de plus en plus un être nouveau, ce que le commun des mortels va appeler un être divin. En attendant, on est transitif. Alors, on a encore des apanages reliés au plan de l'air du poisson, donc de l'être ancien. Ça, on n'a pas besoin de se dire, comme moi, par exemple, je verrais un enfant qui est battu, c'est évident que ça me toucherait au niveau du sentiment. Peut-être que ça me toucherait au niveau de l'émotion. Là, je me dirais pas, ah, c'est au niveau d'émotion, donc c'est pas bon. Non, c'est au niveau d'émotion, c'est pas bon. C'est au niveau du sentiment, c'est bon. Je l'attaque. Puis l'émotion, bien, qui suit? On ne bannit pas une chose parce qu'il y a une partie qui n'est pas correcte. La personne, elle sait exactement ce qu'il faut qu'elle fasse, puis son attitude est absolument parfaite. Quoi qu'elle fasse, l'attitude est correcte. Si la personne agirait mal, en n'agissant pas ou en agissant, ça ne dérangerait rien au niveau de ce qu'elle est en tant qu'être humain parce que son attitude, elle est correcte. La personne, elle est manipulée. Elle n'a pas encore tout à savoir. Mais elle a l'attitude qu'il faut. Alors, elle va vouloir agir suite à une manipulation par rapport à l'attitude qui est correcte. Puis sa réaction, son geste peut ne pas être correct. Mais la personne, elle est toujours correcte. L'attitude ici, là, elle est parfaite. C'est du monde comme ça qu'il nous faut dans l'air nous. C'est du monde qui va être capable de dire, elle est à la lumière, ben non, c'est pas correct ce qu'il pense là. Elle n'a pas besoin de lire un livre. Elle voit des choses, elle ne trouve pas ça correct. Elle est intelligente. Ce qu'elle va faire avec, ça va se développer. L'attitude est très bonne. J'ai déjà entendu dire que le Japon était appelé à disparaître dû à un problème karmique. Ah, les Chinois, à un moment donné, ils se sont mis un milliard, puis ils ont appelé. Comment expliquer que plusieurs Japonais sont classés parmi les milliardaires les plus riches au monde? Ben, c'est absolument évident. Quand on sait pourquoi. C'est que le Japon était l'allié des Allemands. Hein? J'ai déjà entendu parler de ça. Pearl Harbor, des cossins comme ça. Hein? C'est pas sur une planète, ça, là. Pas juste des écrans de cinéma. Et puis... Les Japonais étaient l'allié des Allemands. Les Allemands ont été un peuple extrêmement riche parce qu'ils ont pillé. Ils ont tout ramassé ce qu'ils pouvaient ramasser. Ils ont eu de l'argent, les Allemands. Puis un peu avant que Patton, le général américain, arrive puis avec les Russes d'un bord puis en Allemagne, à Berlin, ce qui est arrivé, c'est qu'un peu bien avant ça, ils ont déménagé énormément d'argent. Puis ils ont envoyé ça où? Ils ont envoyé ça au Japon. Puis il y a une grande partie des Allemands qui font partie des sociétés très avancées au niveau de l'ésotérisme secret du Troisième Reich, qui eux aussi ont sacré leur cœur, parce que c'était des valeurs, ça, les valeurs humaines, on les a déménagées, on les a exportées au Japon. Et puis présentement, les Allemands qui dirigent l'empire monétaire japonais, hein, c'est des Allemands évidemment, qui sont très âgés, ils ont eu quelques petits-enfants, mais ils sont très âgés présentement, il y a beaucoup de Japonais qui ont ça. Mais présentement, l'Allemagne japonaise, donc le Japon, qui va être américain absolument, parce qu'il y a eu une initiation nucléaire là-dedans, ça détruit les égrégores au niveau du Japon, puis ils sont plus capables d'être autant japonais qu'avant. Les Japonais sont des gardiens de la finance planétaire, puis à un moment donné, ils vont la redistribuer aux États-Unis. Ils ont commencé à le faire d'ailleurs en achetant une partie des gros studios de production de films, en achetant des grosses compagnies. Quand on achète des grosses compagnies comme ça, les gens vont dire, ben oui, là, on est en train de tout vendre nos affaires aux Japonais. Oui, mais les Japonais ne déménageront pas ça là-bas. En réalité, c'est les Japonais qui sont en train de devenir Américains. C'est ça, les gens ne comprennent pas parce que ça va se passer dans... C'est de l'argent qui passe du Japon aux États-Unis, c'est pas les États-Unis qui passent des États-Unis au Japon. C'est ça. T'as fait une montagne en Alabama, ben t'as beau dire qu'un Québécois, la montagne est en Alabama quand même. Fait qu'il faudra que t'ailles en Alabama pour y bénéficier de ta montagne. Donc la montagne, elle va t'avoir ramené. T'as beau être japonais, japonais, japonais, tes enfants vont être japonais, leurs enfants vont être américains, puis les américains. C'est réglé. Alors, c'est pourquoi ils sont les grands gardiens, parce qu'ils sont simplement, ils ont été subventionnés par l'Allemagne, c'est-à-dire par toute l'Europe au complet, finalement. L'Allemagne est allée diffuser partout. Et puis présentement, ben, ils sont en train de rapatrier lentement l'argent vers les États-Unis d'Amérique, un peu partout ailleurs dans le monde. Puis à un moment donné, ben, il y a des gens au Québec qui vont commencer à ravoir leur dû. Ta deuxième question, tu n'as pas mal répondu. Pourquoi les gardiens de l'argent se sont-ils déplacés vers l'Orient? Ben, c'est comme je vous expliquais simplement, c'est une question d'alliance à l'époque. Quel rôle ont-ils ésotériquement face à leur pays et face à la planète? Bon, ça c'est une question que je préférerais répondre en conférence spéciale, en conférence privée, parce que ça va se faire très, très, très long, puis extrêmement intéressant. Puis il y a aussi des petites choses, des fois, qu'il ne faut pas qu'on compte immédiatement. Parce que dans l'astral, il y a plein de rêves. À un moment donné, du monde qui se met à rêver, ben, ils rêvent des choses. Après ça, ils ont rêvé des choses qu'il ne fallait pas qu'ils rêvent. Parce qu'il y a une grande gueule quelque part qui est allée instruire l'astral. Au niveau du Japon, puis au niveau de ces choses-là, bon, le Japon qui est appelé à disparaître, et patati patata, le Japon est effectivement appelé à disparaître, le Japon va aussi disparaître. Mais pas dans le sens keynésien du terme. Gars Casey, tu connais? Oui, oui. Un bonhomme là, qui dormait, c'est qu'il disait, il voyait des... le Japon va disparaître en tant que Japon. En tant qu'entité prédominante économique. Mais pas là, en tant que qu'il, il va y avoir quelques îles qui vont... C'est problème, mais pas il n'y aura plus de Japon, à un moment donné. L'île ne va pas caler au fond de l'océan? Non, tu sais, je me suis noyé parce que le Japonais a nagé. Peut-on entrer facilement en contact avec les Melchizedek? Oui, mais vous ne pourrez probablement jamais entendre leur réponse. Qu'est-ce que ce contact amène dans notre vie? Est-ce que c'est d'énergie ou d'information? Je t'en ai rencontré un, Melchizedek. C'est pas moi qui pose la question. Ah oui, je t'en ai rencontré un, Melchizedek. Un Melchizedek, c'est un catalyseur de l'évolution, un accélérateur de l'évolution. Un quadruple plus ça. Non, tu l'as rencontré juste ça. Voilà, ça c'est un Melchizedek. Il ne sait pas. Il a toujours été Melchizedien. Son karma était Melchizedek. Un être Melchizedek, c'est un être humain qui est rendu très, très, très près de la fusion, refuse le contact fusionnel. Il refuse la fusion. Il devient Melchizedek. Et les Melchizedek planétaires, c'est des êtres qui ont, à un moment donné, été aptes à être fusionnés et qui ils ont refusé la fusion. Puis on ne parle pas de refuser la fusion par l'intelligence. Les mécaniques astrales, puis toute leur contingence réincarnationnelle, ce qu'ils étaient, ont fait en sorte qu'ils ont refusé la fusion. Et refusant la fusion parce que, bon, ils veulent contrôler des choses, etc., ils deviennent des Melchizedek. C'est-à-dire des catalyseurs de l'évolution. Alors, un Melchizedek, je vous souhaite de jamais rencontrer. Vous allez évoluer. Ah, oh, oui. Mais, vous en parlerez à Charles et Mandelin. Oui, c'est ça. Je ferai une conférence là-dessus. Alors, très, très, très, très facile. Je vais vous donner son numéro de téléphone. Non. Non, non, je ne pas. Comment entrer en contact, ça se fait par accident. Ça se fait dans, non, pas par accident. Pas par accident, si tu veux, mais pas nécessairement par accident. On appelle ça un accident pour le résultat. Oui, c'est ça. Mais on n'appelle pas, on ne demande pas le contact avec le Melchizedek. Melchizedek, là, vous êtes vraiment bien plus apte à accélérer votre évolution d'une façon plaisante et amusante, sans souffrance, allègrement, plutôt que de rencontrer un Melchizedek qui est un catalyseur d'évolution. Le Melchizedek, il vient toujours rencontrer normalement les individus qui sont suffisamment puissants et qui ne comprennent absolument rien à rien. Alors, on vient les rencontrer, puis on catalyse leur évolution. J'habituellement. Dans ton cas, c'était vrai. J'habituellement. T'en as d'autres que c'est pas vrai. Moi, j'ai pas rencontré de Melchizedek. C'est-à-dire que j'ai rencontré Melchizedek ouais. Parce que sa fonction était qu'il te présente à moi. Qu'on se présente, qu'on se connaît. On se rencontre autrement, mais ça aurait été au bout d'une lance. C'est très, très, très intéressant à Melchizedek, sauf que, vous un exemple, par exemple, sortez dehors dans la rue et dites « J'ai gagné 1 million! » Il y a plein de Melchizedek qui vont parler. Ils vont catalyser votre évolution. Vous allez voir qu'en dans 5 ans, là, vous en aurez ras le bol de la vie et ras le bol de tout au complet. Vous n'aurez plus rien du tout, là, puis les amis, ils en auraient fait plein, ils en auraient perdu plein, puis ils doivent tout comprendre un paquet d'affaires. Vous allez comprendre c'est quoi l'illusion, c'est quoi la manipulation. C'est pas cher 1 million de dollars pour 105 ans, c'est correct. Mais ça fait partie des lois melchisédiennes. Puis Melchisédek, c'est un personnage qui est consciemment ou inconsciemment manipulé dans des trames particulières où on va accélérer l'évolution de certains individus. Mais c'est jamais, jamais, jamais une accélération par l'intelligence, c'est toujours une accélération par l'écœurement. Est-ce que le Melchisédek, lui, aura l'occasion un jour de réaccepter la fusion? Est-ce que ça va lui être proposé? Oui, ça va lui être, mais non, oui. Normalement, ça ne sera plus tard. Regardons dans le passé, là, qui a amené la gang là, dans la Terre promise? Il a-tu vu la Terre promise? Mon ravin. Et si on regarde, on parle du prince de Salem, à un moment donné. Puis ça, c'est ésotériquement un Melchisédek. Il a rencontré Moïse. Il lui a expliqué plein de choses. Il a montré des affaires dans le désert. Il a montré plein de choses. Puis il l'a accéléré. Il l'a jamais vu. Lui, il a évolué, Moïse, énormément. Il a mangé du désert et de la manne. Puis avant qu'il se rende compte, ça va la manne. Bon. Et puis, il dit, non, la terre promise, elle est là-bas. Comment tu sais qu'on est rendu? Je suis en train de mourir. Tu sais, il a fallu qu'il comprenne des choses. Moïse, il a continué à vivre. Il a vécu 900 ans, 933 ans. Mais pour lui, à cette époque-là, l'espérance de vie était au moins 934. 1000 ans, mais... Il l'a mis sur la voie du succès, mais c'est pas dans le... Les Melchisédek font souvent ça. C'est sûr que Moïse n'était pas, à l'époque, quand même, Moïse, il n'avait pas une génétique suffisamment solide, beaucoup plus solide que bien des gens aujourd'hui, mais pas suffisamment solide pour être capable de contrer l'énergie de Melchisédek. Alors, il ne faut pas revenir de Melchisédek. Là, de Deck sont pédères. C'est quoi un volant de Deck? On en parlera une fois. Une de ça comme ça. Non. On a assez rencontré toutes sortes d'affaires. Peut-on se conscientiser et porter dans son utérus un fœtus? Ah oui? Depuis même deux, même trois, même 12. Là, c'est plus compliqué. Ils avaient des subventions. Les compagnies de produits pour bébés, ils en profitent pour la publicité. Ils vous fournissent ce qu'il faut, du lait, des couches. Il n'y a aucun problème à avoir un fœtus, à avoir un bébé, puis se conscientiser. Il n'y a vraiment aucun problème. Et mieux encore, quand le bébé va avoir 9 mois, il risque de sortir. Quand il va sortir, là, vous allez rencontrer Melchisédek. Il va catalyser votre évolution. Il n'y a vraiment aucun problème, là. Il n'y a vraiment aucun problème. En plus, c'est parfait, parfait. Tant mieux pour l'enfant, puis tant mieux pour les parents. Puis si la mère ne l'amène pas à terme, disons qu'à un moment donné, elle déciderait que c'est les choses de la vie. C'est aussi bien que si elle l'amène à terme. Mais il n'y a vraiment aucun problème à se conscientiser. C'est pas l'enfant qui va en souffrir. Depuis le début de cette grossesse, je sens une chute d'énergie et une incapacité de pratiquer des techniques PMC. C'est absolument évident. Imaginez-vous bien qu'un bébé, ça a sa vie. Regardez ceci. Il y a de cela quelques années, en Lémurie, donc un peu avant l'Atlantide. Quelques années. Plus un peu après l'Hyperborée. Avant le déluge. C'est avant la télévision classe. Avant le langage. L'être humain était hermaphrodite. L'être humain était bisexuel. L'être humain, il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme. Puis les bébés, il y en avait. Puis on en avait. Puis c'est bien correct. Et puis, à un moment donné, l'énergie vitale, l'énergie sexuelle a commencé à migrer le long de la colonne vertébrale pour développer et le centre laryngé et un cerveau. Alors, on a manqué d'énergie vitale, l'énergie sexuelle, on ne peut plus se reproduire. Alors, lentement, biologiquement, ça prend un laps de temps, ça a pris quelques millions d'années, lentement, les deux qui étaient hermaphrodites ont commencé à se sexuer de façon à prendre ce qui leur restait d'énergie vitale, le mettre ensemble pour avoir un bébé. Ça a eu l'avantage de mêler les génétiques, donc de mêler les âmes, donc d'accélérer la croissance évolutionnaire des êtres qui étaient pour naître. Et puis, bon, il s'est passé un paquet de choses sur lesquelles je vais passer. De ce fait, l'enfant qui vient au monde n'est pas sexué. Il est sexué primairement, mais il peut pas avoir de relation sexuelle. Il peut pas se reproduire parce que la majorité de son énergie vitale ne sert pas à la reproduction, mais sert à développer le centre laryngé et le cerveau en correspondance avec la génétique qu'il a acquise de ses parents. Vers l'adolescence, il commence à devenir normalement un petit peu moins intéressant du point de vue de l'intelligence parce qu'il commence à devenir un être capable de se reproduire. Et là, il vit les boutons puis toute l'affaire au complet. Bon. Maintenant, ce qu'on doit comprendre, c'est que la personne ici, elle se conscientise, elle avance. Donc, elle a besoin d'énergie vitale pour être capable de travailler son centre laryngé, son cerveau, puis elle s'émancipe au niveau de la conscience. À un moment donné, il y a un fœtus qui apparaît à l'intérieur. La femme a beaucoup plus d'énergie vitale que l'homme. C'est pourquoi elle vit beaucoup plus longtemps que l'homme. Sauf que la femme, elle doit enfanter, donc elle met de l'énergie là-dedans. Là, il y a un petit bébé là-dedans, un fœtus, qui est en train de prendre de l'énergie. Donc, la femme, elle en aura moins le long de sa colonne vertébrale, moins pour son centre laryngé, moins pour les carrefours d'énergie qu'on appelle chakras, moins pour l'émancipation cérébrale, les mutations neuroniques, la mutation au niveau de la conscience. Et nécessairement, par rapport à ce qu'elle vivait, elle vit une différence de potentiel qu'elle reconnaîtra comme étant une chute d'énergie parce que ça gestationne en dedans. Faites de l'alchimie. Attendez, dans 9 mois, vous allez voir. L'énergie, ça prend un laps de temps après ça, le corps va se restructurer, et puis la femme va redevenir une dame, et puis elle aura un bébé, elle sera une mère en même temps, elle sera une reine, puis elle va continuer à avancer. Il n'y a pas de problématique, une personne ne devrait jamais se dire, ah ben écoute, moi pour faire de l'énergie pendant 9 mois, ben je n'aurai pas de bébé. 9 mois, à un moment donné, ça va être un accident, ça va être une grippe qui va vous en enlever un bout de temps. C'est bien mieux d'avoir un. C'est simplement ce qui arrive présentement, donc c'est tout à fait logique. Puis elle, quand elle dit, je fais mes techniques PMC, puis j'ai la difficulté, il y a certaines techniques qu'elle pourrait faire. Bon, resconiser, ce serait intéressant. La manifestation de base, juste contracter les muscles, peut-être pas la manifestation vitale encore. Il y a des petites mécaniques qui, dans les techniques PMC, forcent les mutations neuroniques, les mutations endocriniennes. Et nécessairement, ça demande de l'énergie vitale. Alors, il y a des techniques que la personne va pratiquer qui demandent de l'énergie, puis là, le bébé en ramasse. Fait, ces techniques-là vont l'épuiser un peu plus. Alors, il faut simplement qu'elle regarde, qu'elle observe quelles sont les techniques qui l'épuisent, quelle est la longueur des techniques qui l'épuisent, puis qu'elle se fasse elle-même son horaire, son agenda, puis qu'elle devienne un peu son seul maître, et qu'elle se fasse elle-même son cheminement. Il y a des techniques qui vont servir. Les techniques où on ramasse de l'énergie, il n'y a pas de problème. La manifestation, ça mute un peu. Il y a différentes techniques Canvi qui peuvent, dépendamment. Alors, elle va ramasser, par certaines formes de Minfi, elle va prendre de l'énergie. Des petites choses, elle va aller chercher de l'énergie, mais là, il faut qu'elle travaille un petit peu moins les techniques qui la transforment, elle va passer l'énergie. Dans 9 mois, le petit va y en donner un. Les enfants... Positivement, elle va pouvoir apprendre à téter son petit, puis se nourrir son corps astral, puis lui, il va en bénéficier, puis synergie. Quand la mère s'occupe de l'enfant, 1, 2, 3, 4 ans, là, ça en prend pas mal d'énergie. Oui, mais elle en a suffisamment. C'est ça que je trouve merveilleux, ça se multiplie, ça se divise pas. Elle apprend à téter son petit, puis le petit va apprendre à téter la mère, le père fait la même chose, ils n'auront jamais de problème. Si elle n'arrive pas à téter le petit, puis qu'elle se laisse siphonner par le petit, c'est évident. Mais moi, j'ai jamais eu de problème avec aucun enfant, ni les miens, ni ceux des autres. Pourquoi? Parce que j'ai tête. Puis eux, ils têtent. Ça fait qu'eux, ils m'aiment bien, moi, je les aime bien, pas aucun problème. Une forêt dans laquelle on entend les coyotes hurler la nuit est-elle une forêt satanique ou basse en énergie? Non, c'est une forêt coyotisée. Non, il n'y a vraiment aucun problème. D'ailleurs, remarquez ceci. Vous vous couchez. Placez votre petit oreiller de branches de pin. Là, vous rendez compte, vous n'auriez pas dû, ça vous coûte le cul. Puis là, vous entendez hurler un coyote. Ça commence. Un autre, ça salue. Relaxer, puis ça va vous nourrir. C'est un champ absolument merveilleux de la nuit, il n'y a aucun problème. Des hiboux, des chouettes, la même chose. Puis des loups, c'est la même chose, quand ils sont un peu loin. Ah, parce qu'une fois, j'ai campé, moi, puis les loups, il y avait un chalet pas loin du lac, ils ont mis le feu dans la forêt pour faire feu les loups. Puis on campait, nous autres, une péninsule, le seul point d'eau accessible dans la région. C'est un lac éco, un des 47 lacs éco du Québec. Il y en a plein de lacs éco. Alors, c'est un lac éco, ça veut dire dans une crue de montagne, une petite péninsule, on campait le fil. hélicoptère de l'armée des Chaudières, en tout cas. Bien. Mais c'est très, très, très correct. C'est ni satanique, ni luciférien, ni quoi que ce soit. C'est une forêt simplement avec des animaux. Le loup, le coyote, c'est un chien. Le chien a été créé dans les îles Galapagos à l'époque où Noé avait son laboratoire. Et puis le chien a été créé dans le but de supporter l'astralité humaine. Il y a eu des petits... Bon, le chat a été créé en même temps. Et puis, à travers les mélanges génétiques, il y a le loup, il y a le coyote, puis il y en a le chien de prairie, puis il y en a un paquet. Eux, ils vont dans la nature, puis quand ils commencent à hurler, qu'est-ce qu'on ressent? De la nostalgie, de la peur, de la crainte, des choses noires. C'est l'être humain dans son astralité qui est en train d'essayer de comprendre des mécaniques. Alors, l'humain a toujours pensé que c'est satanique. Alors, on aura les loups-garous, les coyotes-garous. Bon, c'est les coyotes, c'est plus petit qu'un loup, on a pris c'est le plus gros, là. Et c'est pourquoi ça fait bizarre dans nos cordes astrales. Quand on comprend les mécaniques et qu'on écoute ça chanter, il n'y a vraiment aucun problème, c'est absolument génial. On peut se faire arracher un bras par un loup dans un voyage astral. Là. Mais oui, mais c'est pas dans un voyage astral. Ouais, en tout cas, sous forme de... Je suis pas sûr que ça me relaxe tellement. Non, mais j'ai pas dit que ça relaxait quand un loup t'arrachait le bras. J'ai dit que ça relaxe quand il chante. Ah, OK. Il chantait plus, là, que ça fait... Grenier. Je criais assez fort que je l'entendais pas chanter. C'est vraiment pas satanique. Ça réveille des cordes chez nous, de l'incompréhension, les mystères du passé, puis l'alliance entre le chien, le canidé et l'homme, comme d'ailleurs entre le félin, le chat. Le chat, c'est le domestique, là. Parce qu'un lion dans la maison, ça a besoin d'une maudite litière. Hein. Ben, c'est pas une petite truelle. Ouais. Il est couché sur ton lit, c'était ton lit hier. Ah ben là, c'est que je suis. Je se couvre avec la crinière. Mais un loup blanc, c'est moins dangereux qu'un loup noir? Non. Ou si c'est juste... Le loup blanc est un peu plus puissant, un peu plus gros normalement que le loup noir. Mais les loups, là, le loup, savez-vous que le loup, c'est l'animal qui a le plus peur de l'homme sur la planète? Il y a une peur phobique. C'est une phobie. Le loup qui était cultivé, qu'on a ramené, qu'on a dressé, etc., puis qu'on a curé comme il faut, puis qui s'est poussé, c'est un chien-loup. C'est un chien-sauvage. C'est un loup domestique, disons. Et c'est dangereux. Pourquoi? Parce qu'il va haïr comme l'homme, il pense comme l'homme, il veut se venger comme l'homme. Très, très près de l'homme. Mais le loup a une peur réellement phobique de l'humain. Les meutes de loups qui attaquent les personnes, là, il n'y en a pas. Allez dans la forêt, là, les orignaux, attention. Un chevreuil mal pris, attention. Attention surtout aux chasseurs. C'est plus dangereux. Un aigle, ça peut attaquer. Un oiseau, une perdrix, une géliotte huppée. De temps en temps, ça fait des petites pètes. Le loup, jamais. Jamais, jamais, jamais. J'ai rêvé souvent, moi aussi, de me battre avec des loups. Je n'ai déjà vu des loups. De loin. Le loup n'attaque à peu près jamais, jamais l'humain. Puis les loups qui attaquent l'humain, c'est des loups qui ont des raisons particulières. Ils ont côtoyé l'humain ou sont réellement mal pris. Ils n'ont pas le choix, n'importe quel animal. L'humain peut se suicider, le loup ne le fera pas. Il y a que le quetzal puis la guêpe qui se suicide. Donc, le loup, il n'y a vraiment pas de danger avec les loups. Les hyènes, c'est autre chose. Qu'est-ce que la jalousie affective? La jalousie affective, c'est un problème. Y a-t-il une jalousie qui n'est pas affective? Non. Qu'est-ce que la jalousie? Là-bas? La jalousie, c'est une mécanique de l'ego qui essaie de préserver son territoire. C'est une mécanique animale. Alors, on préserve son territoire. C'est une lutte de territoire, la jalousie. Alors, l'ego, c'est quelque chose qui est, constitué, c'est plus reconstitué. Là, ça rencontre quelqu'un, ça se nourrit de la présence de l'autre. Fait que lentement, ça ramasse de l'expérience. Après avoir ramassé beaucoup d'expérience, cette partie-là de l'ego a absolument besoin de la présence de l'autre pour continuer à se nourrir de son expérience. Alors, ce qui va arriver, c'est que si l'autre sort avec quelqu'un, la partie qui est ici pense que peut-être elle peut le perdre. Si elle le perd, la partie qui est ici devra mourir. C'est-à-dire, on appelle ça l'oubli. C'est extrêmement souffrant. Alors, immédiatement, ça se met en quête. C'est un loup. Ça se met en quête. Puis là, ça veut préserver son territoire. Son territoire, c'est un territoire astral, ça veut dire que ce sera l'autre. Donc, la personne devient jalouse. Jalouse, par exemple, au niveau de couple. L'autre jalousie qui peut apparaître, c'est une mécanique qui est similaire. C'est une mécanique qui est créée par l'instruction. L'instruction, ce n'est pas nécessairement ce qu'on a à l'école ou ce que les parents nous amènent, il y a aussi la vie. Alors, j'étais instruit, moi, que je devais être bon au ping-pong. J'étais instruit, tu sais. On est dans un collège, les gens sont bons au ping-pong. Moi, j'arrive là, puis j'ai joué au ping-pong, puis lentement, j'étais instruit, puis je veux. À un moment donné, je commence à voir un de mes chums qui devient meilleur que moi au ping-pong. Puis, je commence à être jaloux, pourquoi? Parce que je ne peux pas me nourrir du fait que je suis bon. Donc, je souffre. Même souffrance. Alors, je me mets encore en quête, en préservation de territoire, c'est-à-dire que lui est sous mon territoire. Il m'empêche d'être à ma hauteur. Alors, je vais le jalouser. On va truquer les balles. Je vais m'arranger pour le rabaisser. Je suis jaloux de lui. Je vais m'arranger pour le démonter de façon à être capable de pouvoir me nourrir plaisamment de l'événement. Deux formes de jalousie majeure, c'est uniquement une structuration au niveau de l'ego. Dans un cas, tu t'aimes pas assez. Dans deux cas, tu t'aimes pas assez. Tu n'es pas sevré affectivement. Et les mécaniques, c'est toujours de la jalousie, c'est toujours une mécanique de défense de territoire. Qu'est-ce que la possession affective? La possession affective, c'est une drogue. La possession affective se répercute de panoplie de façon. Vous restez avec une personne, puis là, vous êtes 5 minutes en retard, puis là, vous vous en venez, puis là, dans votre tête, là, vous engueulez déjà, là, puis vous essayez de la contrer, puis vous êtes possédé, effectivement. C'est quelque chose, pas de s'en aller. Elle va vous posséder pareil, déménager au Bangladesh, puis elle va être là encore dans le monde. Possession affective, c'est une des répercussions. La possession affective va surtout être le fait que quand l'autre personne n'est pas là, je ne peux absolument plus vivre. Je m'ennuie, je suis faite. Les personnes âgées, les hommes surtout, vivent ça. La femme, par exemple, meurt, ben, c'est pas long, normalement, d'un temps qui suit, l'homme suit. La femme est moins possédée normalement. Or, l'homme, bon, possession affective, ça va simplement être que votre conjoint s'en va, puis là, ben là, vous ne pouvez pas faire la cuisine, vous ne pouvez pas faire l'épicerie, vous ne pouvez pas rien faire. Oui, mais c'est à cause que je suis habitué, c'est l'autre qui faisait tout. Mais avant, quand tu étais célibataire, là, tu faisais tes cossettes aussi. Puis de toute façon, même si tu n'as jamais rien fait, à prendre le chariot, le pousser d'un rayon, puis dire, tiens, du dîner craft, snack. Tiens, dis, bon, snack. Puis ça se fait. Ah oui, des hot dogs toutes faites. Non, il faut acheter à part. Ah, OK. Ah oui, des recettes. N'importe quel humain peut apprendre, sauf que la personne devient totalement omnibulée. Elle ne peut plus. Là, elle est possédée affectivement. Il faut l'exorciser. Puis l'exorciser veut dire l'exerciser. Puis l'exerciser veut dire l'entraîner. Puis lentement, la personne, elle finit par s'apprendre à s'aimer. C'est extrêmement important. Les possessions affectives ne sont pas, c'est pas les autres qui ont voulu vous posséder. Vous avez ouvert les tout grands les portes, ben ils sont rentrés. Puis maintenant, ben là, maintenant, quand ils veulent sortir un peu, on sent des courants d'air. La possession affective, ça se fait comme ça. L'enfant peut posséder affectivement ses parents. L'enfant qui fait un paquet de mauvais coups, puis quand les parents commencent à punir, ben là, l'enfant, il se met en colère. L'enfant, il dit qu'il va se suicider. Ben, ça a raison au cas. L'enfant cause des affaires dans la maison. Puis là, on est subjugué par l'amour qu'on a de l'enfant, fait qu'on se dit, crime, on est en train de casser l'amour, on est en train, on souffre, et l'enfant va nous charrier totalement si c'est un enfant de moindre matin. C'est aussi une possession affective. Puis, on peut en nommer plein. Une chose certaine, c'est que si, parce que vous aimez quelqu'un, vous devenez l'esclave de cette mécanique-là, c'est une possession affective. Si on me dit, la majorité des humains sont en possession affective, sont possédés, oui, à des degrés divers. On peut aller jusqu'à une possession pathologique, c'est-à-dire qui rend inefficace notre vie. Puis ça, à un moment donné, bien, on doit apprendre à surmonter ça. Le supramental serait réel dans un monde d'illusions. Si le nazaréen... Ben non, le supramental est aussi illusoire dans un monde d'illusions. Si le nazaréen était réel, il contrôlait l'illusion, multipliait les pains, marchait sur l'eau, serait-ce quand même de l'illusion à un autre niveau de la réalité, ou la réalité? Absolument. Ce n'est que de l'illusion. Tout cela, c'est de l'illusion. Ce n'est pas une farce, de l'illusion. L'illusion, c'est réel. C'est la seule chose qui est réelle. L'énergie supramentale dans un monde d'illusion est de l'illusion. Quand je dis, par exemple, bon, la couleur dans le monde des aveugles, est-ce que c'est de l'illusion? C'est totalement de l'illusion. La couleur dans le monde des voyants n'est pas de l'illusion. L'énergie supramentale, c'est de l'instantanéité. Dans un monde de mémoire, on va se rappeler de l'intelligence supramentale. Mais c'est plus d'intelligence supramentale, on est dans l'illusion. Mais ça, il faut comprendre la mécanique. Je fonctionne dans l'illusion. Ça ne veut pas dire que je suis une personne qui est illusionnée. Ça veut simplement dire que je suis dans un monde d'illusions. Je peux fonctionner dans l'eau dans un petit bathyscaphe, dans un sous-marin. Je marche, je fonctionne dans l'eau. Ça ne veut pas dire que je suis mouillé. Ça veut dire que je fonctionne dans l'eau. Je connais l'eau. Je fonctionne dans l'eau. Bon, on est dans un monde d'illusions. On a un corps physique qui est une vraie farce. Toute la mécanique est illusoire. Ce serait là qu'on en parle présentement là, mais c'est de l'illusion. C'est une vraie farce. Et le Nazaréen jouait avec l'illusion en fonction de la capacité psychologique qu'avait déjà de supporter cette régence-là. Puis vous aussi, vous allez jouer dans l'illusion. On joue déjà, mais on est surtout le jouet de l'illusion. Puis à un moment donné, on va jouer avec l'illusion, puis il n'y aura aucun problème. Puis quand on arrive au niveau du plan supramental, de la spontanéité, de l'instantanéité, c'est là qu'on découvre que finalement, il n'y a vraiment pas de problème. Dans l'univers de l'homme, de la femme ou de l'enfant, il n'y a absolument rien, rien d'important. Il n'y a que des choses utiles. Mais dans le monde de l'homme, en fonction de la vision de l'homme, il n'y a pas beaucoup de choses utiles. Il n'y a que des choses importantes. Comme le gars avec son marteau, c'est un menuisier. Dans des clous, il n'a besoin pour vivre. C'est important son marteau. Pas utile, c'est important. La preuve, vas-y. Ah, t'es en beau maudit de part après, puis si t'accroches, t'as ouais, quel marteau. C'était important le marteau. Puis à un moment donné, son marteau, il a permis de gagner toute sa vie. Là, il n'a plus besoin du marteau. Là, maintenant, c'est un fusil qui plante des clous. Il a encore son marteau que lui. C'est important le marteau. Puis les choses importantes finissent par t'alourdir à un point tel que tu n'arrives même plus à fonctionner. Ah oui, mais je suis pas pour, c'est important. Puis les vieilles photos, puis les vieilles bébelles, puis tout le passé qu'on a, c'est des choses importantes. C'est pas des choses utiles pour l'humain. L'automobile, est-ce utile? Ben oui. Vous sortez de chez vous, quelqu'un est assis, il se fait de pare-choc, alors que ça vous accroche souvent, hein? C'est important, l'automobile, bien avant d'être utile. C'est le pare-choc qui n'est pas capable de supporter ses fesses, là, changer de taux. En cas d'accident, vous allez avoir des problèmes. Si les choses sont importantes, quand l'humain passe au niveau du plan supramental, l'illusion devient une réalité. Tant que l'humain est dans l'illusion, sa réalité est une illusion. Existe-t-il des faux riches? La majorité des riches sont des faux riches. Là, je ne parle pas des personnes là, qui se promènent et qui ont 3 ou 4 000 piastres dans leur poche. C'est tout leur compte en banque, ça. On pense qu'ils en ont plein. Là. Ça, c'est un faux riche. Mais il y a énormément de personnes qui ne sont pas riches, parce que riches, dans le contexte de l'esthétisme, de l'intelligence, c'est avoir du temps, de l'argent. Et nécessairement avoir de l'intelligence. Donc, avoir de la santé, avoir, etc. Puis avoir de l'esthétisme, être un aristocrate. Un aristocrate, c'est pas quelqu'un qui bave sur les autres. C'est quelqu'un qui comprend les mécaniques. Et tu peux apprendre, on t'instruit. On va créer les écoles, on va faire les choses. Tu peux pas apprendre, on va te donner ce que tu as besoin, puis on te jugera pas. Ça, c'est un aristocrate. Bon. Alors, il existe. La majorité sont des faux riches, ce que moi j'appelle des gardiens de la finance. Il y en a qui sont des gardiens du temps. Il y en a qui sont des gardiens de la finance. Puis quand l'humain devient intelligent, progressivement, les deux gardiens commencent à y donner. Puis les deux vont y donner, puis on les vole pas. Ils vont bénéficier de l'intelligence de l'individu qu'ils vont rencontrer. À un moment donné, vous devenez des monnayeurs de l'intelligence. Vous devenez suffisamment centré sur vous-même. Là, demandez-vous pas, oui, mais comment je peux faire? Je ne vous en pas. Moi, je n'ai jamais su comment je faisais. J'en fais, ça marche. Je ne sais pas comment. Maintenant, je sais ce qui fonctionne. Je ne sais pas ce qui m'attend. Mais c'est bien correct. On n'a pas l'idée quand c'est pas le temps d'avoir l'idée. Ça ne sert à rien d'avoir l'idée. Bon. Alors, à un moment donné, vous allez commencer à avoir... Il y a du monde qui va commencer. Il y a de l'argent, du temps. Il y a de l'événement. La vie va commencer à vous donner ce qu'il faut. Et vous allez rencontrer les gardiens. Vous allez rencontrer des gens qui vont commencer à vous remettre. Ils vont apprendre à votre contact. Ils vont s'évoluer. Ils vont monter à votre contact. Alors, il n'y a personne qui va souffrir. La majorité des riches sont des faux riches. C'est des personnes qui ont plein d'argent, qui peuvent même avoir du temps. Puis qu'est-ce qu'ils font de leur temps? Ben, ils se saoulent la gueule, ils se droguent beaucoup. Pas tous les riches, là. Et je connais du monde, en tout cas, qui fournissait. Bon. Et puis, ils s'occupent, ils s'ennuient. C'est pas un vrai riche. Ça, c'est un gardien des mécaniques. La journée qu'il va commencer à comprendre, appliquer des choses, peut-être qu'il gardait sa propre argent. Ça se peut. Mais là, c'était pas un riche. Il va devenir riche avec son propre argent. Il va commencer à comprendre, à appliquer des choses. La majorité des riches sont des gardiens, donc des faux riches. Est-ce que le fait de voir des images instantanées sur mon écran mental est toujours astralisé? Juste avant, un faux riche n'est pas une personne qui est fausse. Vous pouvez comprendre l'idée. C'est une personne comme moi, c'est une personne comme lui, c'est une personne qui est bien correcte. Sauf qu'elle a plein de matière, puis présentement, elle n'est pas encore équipée pour s'en servir, pour elle, pour que ça lui serve réellement. elle essaye, etc. C'est pas une personne qui est fausse. Une personne qui est aussi convenable que n'importe qui. Sauf que quand moi je parle de richesse, je parle de quelqu'un qui est centré sur lui-même, qui a effectivement la puissance financière et temporelle. Sur la question. On pourrait dire dans le même sens, on peut être un fou intelligent ou un fou n'importe quoi. Quelqu'un qui a accès à quelque chose qui s'en sert pas. Un faux con, oui. C'est un faux con pèlerin, hein? Est-ce que le fait de voir des images instantanées sur mon écran mental est toujours astralisé? Oui. Mais c'est pas un problème. C'est simplement le film astral qui passe, ça se promène, puis on voit des choses. C'est instantané, pourquoi? Parce que vous ne l'avez pas pris, vous n'en avez pas pris conscience par un autre média que l'écran mental avant. Puis l'intelligence supramentale, ça ne vous dessinera pas des images comme ça. Ça va faire en sorte qu'en pleine action, vous allez faire ou savoir ou dire des choses que vous devez faire, savoir ou dire. C'est dans la vie que ça va arriver. Moi, si je me sois et je commence à méditer, là, je suis en contact avec absolument rien à part l'astral. Je me branche au plan supramental. Ça y est, je suis branché. Qu'est-ce qu'il y a? Absolument rien. J'ai aucune raison d'avoir quelque chose. Ça ne me donnera pas le secret de la caramilk. C'est la bas bleue. Ah non, on a déjà essayé, on l'a pas trouvé. Mais j'ai absolument rien. Là, subitement, ben là, le téléphone sonne. Ah, contact instrumental, réponds. Ben, je réponds au téléphone. Vous parlez du supramental. Est-ce que c'est la même chose que l'intuition métaphysique dont parle René Guénon, ce qu'il dit être la base de la métaphysique traditionnelle? Bon, non, pas tout à fait. Premièrement, il faut comprendre que René Guénon, c'est un personnage qui... c'est un autodidacte. Il fait partie de l'élitisme de l'autodidaxie. Il apprend tout seul, il apprend des choses. L'intuition métaphysique, c'est une association. Bon, René Guénon, c'est un personnage qui... Plus que plusieurs personnes ont su associer, on pourrait dire quasiment fusionner, les mécaniques de l'Occident et de l'Orient, du cartésianisme et de l'intuitif. À travers ça, on en arrive à un moment donné à appliquer et à exprimer des choses. L'intuition métaphysique, c'est une mécanique qui est extrêmement intéressante, qui se rapproche énormément du bouddhiste zen. On prend les termes qu'on prend, évidemment, métaphysique, au-dessus du plan physique, etc. C'est une intuition qui ne procède pas nécessairement dans l'apparence des mécaniques physiques. Sauf que l'intuition métaphysique, c'est une intuition qui souvent se fait par les voies émotives, mais qui va être décodée et interprétée par l'intellect. Donc, ça donne l'impression que ce n'est pas émotif, que c'est au-delà de cette mécanicité-là. C'est extrêmement bon pour connaître l'homme dans l'essence ou dans la structure de sa constitution au niveau astral. C'est intéressant. Ça n'amènera pas de mécanique neuve au niveau de l'ascensionnalité de l'homme. Par contre, ça va permettre à l'humain d'écrire, d'entendre, de parler, de comprendre des choses qui régissent son ego. Un peu ce que je fais souvent aussi quand on parle de l'ego des individus. De façon à ce que la personne puisse à la longue comprendre totalement les stratégies qui la constituent. Bon, une fois qu'il comprend les mécaniques, il va dire « Tiens, je suis écœuré, mais c'est pas moi qui est écœuré, c'est l'écœurement que chez moi. » Il comprend les mécaniques. L'intuition métaphysique va donc lui amener une forme d'instruction de ce qu'il est. Puis évidemment, un peu par projection des phénomènes cosmogoniques. Mais ce n'est pas un contact avec l'intelligence supramentale, quoi que ce soit très intelligent. L'intuition métaphysique, c'est un peu comme si on parvenait à une mentalisation non contrôlée par le plan mental. Et contrôlée par une spiritualité qui est capable de travailler dans le but de recevoir des informations neuves. C'est extrêmement intéressant. Ce n'est pas tout à fait le phénomène supramental. Non. De la naissance à la mort, la vie d'une personne est-elle... Je lis ça en quelque part. De la naissance à la mort, la vie d'une personne est-elle déjà toute tracée de A à Z? Ça, les personnes, ils veulent jamais savoir les réponses de ça. C'est tracé de A à A. Il y a A prime, puis il y a A déprime. Bon. Ça fait partie des paradoxes de l'évolution. Effectivement, l'humain n'a pas de libre arbitre. L'humain est totalement placé sur une trame. L'humain a une destinée. Et la personne, et comme je dis souvent, les personnes qui croient le moins aux destinées sont celles qui vont se faire leur carte du ciel. Ils sont tirés aux cartes. Des choses comme ça. Ils veulent savoir leur avenir, ils comprennent ça. Parce que même les tireuses de cartes, les astrologues disent que les as s'inclinent, mais n'obligent pas. Bon, ben, s'ils inclinent, ils n'obligent pas, là, à quoi ça me sert d'abord de savoir ça? Tu es un sagittaire, tu vas être une personne de telle façon. Tu changes ça? Oui. Bon, peut-être cancer d'abord. C'est un gémeau. Ah ben non, ça peut pas. Ah oui, mais si je suis un sagittaire qui n'est pas colérique, disons que le sagittaire, c'est colérique. Si je suis un sagittaire pacifique, suis-je un sagittaire? Ah, ben c'est sûr que, ben oui, ça incline ou ben non, si ça oblige? Ben, ça incline, mais fortement. Écoute, ben, ça incline pas fortement, l'astrologie, ça peut rien. L'humain est totalement manipulé, l'humain est totalement destiné, l'humain est totalement tracé. Ce que je vais expliquer, mais que je, bon, si vous comprenez pas immédiatement, c'est pas tellement important, ça va s'éclaircir et m'en donner quelque part. Des choses qui regardent beaucoup plus le séminaire en termes d'explication, c'est que l'humain est totalement manipulé. Vos corps physiques le sont. Il y a un humain, à un moment donné, qui va traverser la rue et qui va se frapper. Paf! Il y en a un. On ne sait pas c'est qui, mais il y en a un. Bon, ça peut être vous autres. Ça peut ne pas l'être. Alors, même si l'humain est totalement manipulé, on sait qu'il y aura tant de millions de personnes qui vont vivre telle situation, mais on ne sait pas c'est qui. Mais normalement, l'individu qui rentre dans sa structure réincarnationnelle, familiale, etc., puis il suit les corps, puis il s'en va, puis il ne se rend pas compte de rien, ben c'est lui. Mais on n'a pas décidé que c'était toi, ou toi, ou toi, ou toi, etc. C'est pas choisi comme ça. Mais il y a des humains qui vont le faire, en fonction des génétiques. Puis à un moment donné, l'humain qui commence à être en contact avec la conscience supramentale, donc avec lui, avec son esprit, devient utile planétairement. Mais d'une façon différente. Dans l'ère du poisson, pour tous ceux qui sont régis par les mécaniques d'évolution, ce que vous faites est beaucoup plus important que ce que vous êtes. Dans l'ère nouvelle, les mécaniques de l'ère nouvelle, ce que vous êtes est beaucoup plus important que ce que vous faites. De ce fait, vous allez dire, ouais, mais regarde, le gars là-bas, c'est un criminel, puis il est riche, puis il a réussi. Oui, ce qu'il fait est plus important que ce qu'il est. Mais moi, je suis une personne bien, bien correcte, puis je suis pauvre. Oui, ce que tu es est plus important que ce que tu vas faire. Donc, l'énergie va être placée sur ton ascension, bien plus que sur les résultats qui vont sécuriser ton ego. Tandis que l'autre, lui, l'énergie n'est pas placée sur son ascension, il ne comprendra pas nécessairement tout, mais on va le placer sur la matière, ça va le placer, ça le sécurise, ça nourrit l'astral. Alors, donc, il y a des trames, il y a des choses qui sont placées. Par exemple, on peut vous dire que dans les individus qui vont se conscientiser, il y en a un nombre limité. C'est qui? On ne le sait pas. N'importe qui est bienvenu. Oui, mais le nombre, est-ce qu'on peut le changer? Ce ne sera pas nécessaire de le changer. Des mécanismes, on va très loin. Alors, de la naissance à la mort, la vie d'une personne est-elle déjà toute tracée? Oui, dans le sens que pour tourner chez vous ce soir, vous êtes obligé de suivre une route. Laquelle? Il y en a plusieurs. Mais vous ne pourrez pas passer à travers les maisons. Il y a une trame, il y a une destinée, mais l'humain n'a pas de libre arbitre. En fonction des réactions, il va bouger. Puis quand l'intelligence commence à s'en mêler, on va commencer à se placer sur le chemin du plus rapide, le plus sécuritaire, le plus confortable. Quand même passer à travers les trams qui sont placés là. Où est-ce qu'on est venu? La semaine prochaine, le titre de la conférence, la naissance d'une nouvelle race. On va parler d'accouchement probablement. Parle-nous autres, hein? Bonne fin de semaine, puis bon début de vacances pour ceux qui le sont.